Section 4 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours. Tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Christiane Johan. Histoire générale du IVe siècle à nos jours. Tome 3e. Formation des grands États, 1270-1492. Publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud. Chapitre 1, troisième partie, Philippe le Bel, gouvernement, par Alfred Coville. Caractère général. Les mêmes principes ont dirigé l'activité intérieure du gouvernement de Philippe le Bel. L'œuvre des légistes, des hommes de la loi romaine, se fait à grands traits. Ce n'est pas que, de 1285 à 1314, tout soit nouvelleté, mais toutes choses prennent un aspect nouveau. Le but vers lequel semblent converger d'une façon plus ou moins consciente tous les efforts, c'est la grandeur de la royauté, la défense ou l'accroissement de ses droits, le développement de ses organes. Tout est bon pour atteindre ce but. À côté de l'institution divine, le droit impérial, reconstitué au profit des souverains laïcs, l'intérêt public ou commun profit, de même que les règles féodales adaptées, transformées et exploitées. À la veille de l'avènement de Philippe le Bel, Beaumanoir, bien que parlant surtout de la coutume féodale, précise avec force cette supériorité que le pouvoir royal a reprise, par le fait et par le droit, sur la société féodale. Nul ne peut faire nouvel établissement, ni nouveau marché, ni nouvelle coutume, fort le roi au royaume de France, fort en temps de nécessité. Nul ne peut faire ville de commune au royaume de France, fort l'assentiment du roi, fort que le roi, parce que toutes nouvelletés sont défendues. La seule restriction véritable est que tout établissement général doit être fait par très grand conseil. Les États généraux. Par très grand conseil, dit Beaumanoir. Précisément sous Philippe le Bel, cette règle fut appliquée d'une nouvelle et saisissante façon par la convocation des États généraux. Fût-ce là une nouvelleté contradictoire avec les idées générales de domination et d'accaparement par la royauté qui semblait diriger toute la politique de Philippe le Bel? Bien au contraire, vu du côté de la féodalité, les États sont une victoire de l'autorité royale, qui, par ses assemblées, rattache plus intimement tout le royaume à l'influence royale. Si plus tard les États devinrent exigeants, avides de pouvoir, ce fut une évolution nouvelle. On a beaucoup discuté sur les antécédents. Il est évident que Philippe le Bel n'a pas créé l'institution des assemblées politiques au royaume de France, mais il l'a profondément transformée. Depuis les origines de la royauté capétienne, il y avait une continuité d'assemblées, assistant le roi dans presque toutes les circonstances graves. Mais quoi qu'on dise, les prélats, abbés et barons plus ou moins nombreux en étaient le seul élément efficace jusqu'à la fin du XIIIe siècle. En mettant à part les assemblées tenues dans le Midi, qui sont des faits particuliers et locaux, l'apparition de quelques bourgeois dans des réunions antérieures à 1302 est chose exceptionnelle et infiniment vague pour nous. Il n'y a là rien de comparable à ce que l'on trouve à partir du XIVe siècle. Il reste toujours ceci dans l'état de nos connaissances, que Philippe le Bel a fait une chose vraiment nouvelle et grande par ses conséquences en convoquant pour la première fois une représentation générale du tiers de la bourgeoisie des villes. Il n'est pas impossible que le gouvernement de Philippe le Bel ait déjà appelé les représentants de la bourgeoisie en 1289, 1290 ou 1292. Mais les renseignements sont si insuffisants qu'il faut rester dans le doute. Si quelqu'un de ces faits était vérifié, ce serait de 10 ou 12 ans qu'il faudrait avancer l'apparition régulière du tiers dans les assemblées du royaume. La lumière est complète en 1302. C'était au milieu des difficultés avec Boniface VIII. À aucun moment du XIIIe siècle, depuis l'avènement de Louis IX, aucune conjoncture ne fut plus menaçante. Rien d'étonnant si des moyens nouveaux furent mis en usage. Le gouvernement royal avait demandé l'approbation des villes pour des mesures locales. Il se soucia d'obtenir l'assentiment général pour cette grande affaire générale. Il fallait l'appui du peuple tout entier pour sauver le roi du sort des empereurs. À Paris, le jeudi après la Chandeleur, barons et prélats devaient venir en personne. Les villes devaient être représentées par deux ou trois députés. La réunion fut très nombreuse. Pierre Flotte, puis le roi lui-même, prirent la parole. Le clergé resta dans la salle. Nobles et bourgeois se retirèrent pour délibérer. Lorsque la délibération fut terminée, ce fut Robert d'Artois qui parla au nom de tous les laïcs pour promettre leur appui et leur dévouement. Il ne faut pas s'y tromper, il n'y a là rien de comparable à un parlement moderne. Le roi a fait une communication à ses sujets, il les a presque sommés de l'approuver. Il avait prévenu les villes d'envoyer des procureurs résolus à toute approbation. Un refus n'aurait pu entamer sa puissance. Ce qui montre bien que la volonté royale était impérative, c'est que le clergé aurait bien voulu ne pas se prononcer et qu'il y fut forcé. Il y eut encore les années suivantes d'autres assemblées du même genre. Mais les députés des villes n'y figurent pas toujours. Leur participation à ces grandes réunions n'est pas encore devenue régulière. Il fallut l'affaire des Templiers pour que le roi voulût donner à l'assemblée l'ampleur qu'elle avait eue en 1302. Elle fut tenue à Tours le 4 mai 1308. Plus de 270 villes étaient représentées. C'est encore un devoir que les trois ordres viennent remplir auprès du souverain en lui apportant leur aide et conseil. La liberté de l'assemblée fut très restreinte. Le roi avait demandé aux villes des députés pour entendre, recevoir, approuver et faire tout ce qui leur serait commandé par le roi. Beaucoup de clercs, de curés, représentaient les villes, l'assemblée montra la docilité que l'on attendait d'elle, tout fut approuvé. Ce n'était pas seulement dans les grandes luttes religieuses que la collaboration des bourgeois semblait utile. C'était encore pour les questions monétaires qui alors irritaient tout le peuple. En 1308, les gens des bonnes villes furent appelés deux fois sous prétexte de ramener les monnaies à ce qu'elles étaient du temps de Saint-Louis. Deux fois encore, en 1313, il y eut grand planté de bonnes gens des bonnes villes pour le même fait des monnaies. Au reste, tout se prépare pour un événement décisif. La première consultation des États en matière d'imposition. Le début fut bien précaire, bien humble. C'est en 1314. La guerre va reprendre avec les Flamands. Le trésor est vide. Alors ces États, qui étaient bons pour appuyer la politique du roi, doivent être bons pour fournir plus sûrement de l'argent. Leur approbation garantira la perception. La réunion se tint à Paris, au palais, le 1er août. Un bourgeois de Paris, Étienne Barbette, fit l'office de compère. Aussitôt après la requête d'Enguerrand de Marigny, il déclara qu'ils étaient tout prêts à lui faire aide, chacun à son pouvoir et selon ce qui leur serait avenant, et à aller là où ils les voudraient mener, à leurs propres coups et dépens, contre les dix flamands. Ce fut tout. Une sorte d'acceptation en blanc de ce qu'il plairait d'imposer. Et cependant ce modeste précédent fut capital. Il a déterminé l'avenir des États généraux. Le gouvernement central. Les États n'étaient pas encore un organe régulier du pouvoir royal. Ils ne le furent jamais. En même temps qu'ils apparaissent, les vrais rouages de l'autorité centrale achèvent de se constituer. Les grands officiers sont désormais réduits au néant. Plus de sénéchal depuis un siècle, plus de chanceliers en titre, mais des vice-chanceliers ou gardes des sceaux. Il ne reste qu'un chambrier et un bouteiller, mieux pourvus d'honneur que d'autorité. Seul le connétable grandit et agit. C'est qu'à leur lieu et place, hôtel, chancellerie, conseil, s'organise pour l'avenir. L'hôtel est déjà ce qu'on appellera plus tard la cour. C'est le personnel que le roi retient autour de lui pour son gouvernement et son service. Déjà les comptes du temps de Saint-Louis en montrent les éléments principaux. Avec Philippe le Bel, c'est toute une série d'ordonnances qui réglementent les six métiers, la chambre, la chapelle, la chasse, la garde et les armes. Ces services sont destinés à la personne du roi. Pour le commun, la chancellerie devient à elle seule une grande administration, avec l'audience, le contrôle, le collège des notaires qui rédigent les actes, et parmi eux ses clercs préférés, initiés à la pensée royale et à la vie du conseil, clercs du secret, dont on fera bientôt les secrétaires du roi. Le conseil se dessine également et se détache de la masse des institutions que contenait en puissance la Curia Regis. C'est déjà le Maius Concilium, le grand ou étroit conseil, dont les membres sont investis par lettre spéciale, prêtent un serment spécial. Ils délibèrent dans le secret du roi. Ce sont là les véritables instruments du pouvoir royal de l'avenir. Le Parlement est la justice du roi. De ces progrès, il résulte en même temps une plus grande netteté pour la cour de souveraine justice. Le Parlement se dégage de mieux en mieux de ses origines. Au temps de Philippe le Hardi et de Philippe le Bel, il a déjà ses contours essentiels. Aux usages et aux règlements venus du temps de Louis IX s'ajoutent du reste des établissements royaux de janvier 1278, de la Toussaint 1291, l'ordonnance attribuée à l'année 1296, la grande réformation de mars 1303. Une partie du palais à Paris est consacrée à la cour parce que c'est là que désormais elle se tient presque toujours. Bien plus, Philippe le Bel fait complètement reconstruire une partie du palais pour loger magnifiquement sa justice. C'est à lui qu'est dû le palais de justice. Le centre est la chambre des plaides, le véritable prétoire de la juridiction suprême du roi. On y trouve un personnel déjà à moitié fixe, de juges véritables pour les causes ordinaires, avec un supplément de prélats et de barons pour les grandes causes. 20 à 30 chevaliers et clercs y étaient assidus. C'était l'âme du Parlement. Ceux-là reçoivent un salaire. Ils doivent venir de bon matin, ne sans partir devant terme. Ne pas s'interrompre, sauf pour s'informer, ni boire ni manger avec les plaideurs, délibérer tout en paix par courtes paroles. On juge en grande solennité. À côté des conseillers qui écoutent, se tiennent des clercs des arrêts qui lisent les rôles des causes, des clercs notaires qui expédient les arrêts, des huissiers qui appellent les parties. Point de président de nom, mais certains conseillers qui disent le droit, parlent les premiers, interrogent, prononcent les arrêts. Tel fut Mathieu de Vendôme. Tous s'effacent devant le roi quand il vient. Louis IX siégeait souvent, Philippe III et Philippe IV beaucoup plus rarement. À côté était la salle des pas perdus, où attendaient les gens de loi qui vivaient de procédure, les avocats, les procureurs, escortant les plaideurs et leurs témoins. On comptait déjà d'excellents avocats, très subtils et très retors. Philippe III, en 1274, ordonna aux avocats de jurer de ne défendre que des causes justes et de ne pas prendre plus de 30 livres tournois d'honoraires. Déjà sous Philippe le Bel, les clercs et avocats étaient organisés en corporation. C'est le royaume de la basoche. On leur interdit les injures, les mensonges, l'exploitation des clients. Tous ces avocats, plaideurs et procureurs, devaient se présenter à leur jour, faute de quoi ils étaient déchus et condamnés à une amende. Selon leur tour, ils entraient dans la chambre, dont les débats n'étaient pas publics. La procédure était longue et compliquée. Les plaidoiries terminées, les maîtres délibéraient. L'arrêt devait être prononcé le jour même, au plus tard le lendemain. La plupart des procès étaient des appels qui venaient de partout, du fond même de l'Aquitaine. Il en résulta un grand encombrement, et les rois s'efforcèrent de faire juger les appels sans importance par les baillis. De plus, des commissions, véritables sections détachées de la cour du roi, étaient déléguées sur certains points du domaine. L'échiquier de Normandie à Rouen, les grands jours de Troyes, une chambre spéciale à Toulouse, de 1280 à 1291. La cause de tous les progrès, c'est le développement de la compétence parlementaire. Le roi, supérieur à toute la société féodale, a un ressort universel, la pleine souveraineté judiciaire. À ce roi, à sa justice, siégeant en parlement, on peut faire appellation de tous les points du royaume. Le principe, établi partiellement par Louis IX, a gagné de proche en proche. Il est, depuis 1278, interdit au seigneur d'avoir juge d'appôt, pour faire concurrence à la souveraine justice du roi. Les agents royaux ont même le droit de prévention, c'est-à-dire d'ajourner en tout cas les parties, sauf à celles-ci de réclamer une autre juridiction si elles y ont droit. Et toute affaire commencée doit être suivie. Le plaid doit finir là où il a commencé. Il y a surtout la théorie des cas royaux, élastique et commode, qui fut très efficace. La détermination n'en a jamais été précise. À côté des crimes de droit commun comme meurtre, rapt, fausse monnaie, on y fait rentrer toute atteinte à la majesté du roi et à la paix du royaume. La juridiction ecclésiastique est elle-même atteinte par l'intervention absorbante du Parlement. Ainsi, organisation et compétences, rien n'y manque, et on ne saura jamais faire trop grande l'action dissolvante de la haute juridiction royale sur la féodalité. Le domaine et ses revenus. Nulle partie de l'administration royale ne reçut un plus grand développement au temps de Philippe le Bel que les finances. Les ressources de la royauté étaient avant tout fondées sur le domaine. Par l'avènement même de Philippe le Bel, le domaine avait singulièrement grandi en fait, sinon en droit. La reine Jeanne était reine de Navarre et comtesse de Champagne. Champagne et Navarre furent administrées comme les terres domaniales proprement dites. Quand la reine Jeanne mourut en 1305, elles restèrent aux mains de l'héritier même du trône. Au nord, le traité d'Athy de 1305 donna la possession temporaire que Philippe le Bel espérait bien rendre définitive, de Lille, Orchy, Douai et Béthune. À l'est, le comté de Bourgogne fut acquis par un mariage heureux. Diverses conventions, successions ou confiscations assurèrent encore le comté de Bigorre, le Quercy, la seigneurie de Beaugency, la baronnie de Lunel, les comtés de la Marche et d'Angoulême, etc. La prise de possession de Lyon fut achevée et celle de Montpellier commencée. L'ensemble du domaine formait alors 35 bailliages ou sénéchaussées, s'étendant sur 59 départements actuels. Mais le domaine a beau grandir, la royauté a beau préciser ses droits, les revenus ordinaires sont insuffisants. Vainement les amendes sont multipliées et forcées par la justice du roi. Vainement la confiscation frappe les plus riches, les Templiers par exemple. Vainement Philippe le Hardi a constitué le monopole du roi en matière d'amortissement, et Philippe le Bel fait rechercher par des commissaires spéciaux les acquêts des églises et les francs fiefs acquis par les roturiers. Les forêts sont également mises en exploitation régulière. L'administration forestière, qui doit y veiller, reçoit sa première organisation générale grâce au règlement de 1291 et de 1303. Avec les maîtres des forêts, les gruyers, verdiers et sergents. La chancellerie du roi, les greffes des tribunaux, deviennent des institutions lucratives. Dès 1311, le roi a repris en sa main les offices de notaire, garde des sceaux, etc., pour les donner à ferme à son profit. Les taxes douanières d'exportation se multiplient sur les denrées alimentaires, les matières premières, les métaux, les objets fabriqués, s'accumulant sans suite et sans ordre, allant même jusqu'à la complète prohibition. Mais ni les acquisitions nouvelles, ni les taxes, ni les monopoles domaniaux ne pouvaient combler les vides qui se faisaient au trésor du roi. Les ressources extraordinaires. Pour combler ces vides, les ressources extraordinaires apparaissent. Elles deviennent un élément nécessaire, désormais inévitable, du régime financier. Ce sont les aïdes de l'Ost, levées pour l'entretien des armées, fondées en droit sur le remplacement en argent du service militaire féodal. Impôts indirects sur les marchandises ou maltôte, 1292. Impôts directs sur les biens ou les revenus, 1295, 1296, 1297, 1301. Impôt de répartition à l'estimation des officiers royaux, 1302. Ce sont les aides féodales pour chevalerie ou mariages royaux, dont aucune occasion n'est négligée. Ce sont des emprunts, plus ou moins forcés, sur les villes. Le gouvernement royal faisait tout pour avoir quelque argent. Il traitait comme à forfait avec les villes qui résistaient. Il associait à la recette les barons qui montraient quelque mauvaise volonté. Il en vint même, en 1314, à consulter les États généraux et leur demander pour la forme leur concours, fondant ainsi, par un redoutable précédent, leur droit d'octroyer des subsides. Lorsque ces impôts royaux étaient insuffisants, il restait encore la ressource des taxes ecclésiastiques, des décimes, facilement obtenues d'un pape français, levées parfois sans autorisation pontificale, en vertu d'une permission générale et suffisamment peu précise. Enfin, le pire des moyens était l'exploitation violente des Juifs, des Lombards, marchands italiens établis en France. Taille générale sur les Juifs du roi. Expulsion des Juifs du domaine avec confiscation de tous leurs biens. 1306. Poursuite pour usure, expulsion et confiscation des Lombards ou simplement réglementation draconienne de leurs affaires au grand bénéfice du trésor. 1295-1315. Le plus piquant, c'est qu'à la tête des finances royales étaient des Lombards. Enfin, il y avait les altérations des monnaies. Les seigneurs qui battaient monnaie furent surveillés, contrôlés par les agents du roi, obligés d'accepter les mauvaises monnaies royales sans avoir le droit de suivre cet exemple. Plusieurs renoncèrent à leur monnaie pour avoir la paix. L'organisation financière. Tous ces revenus ainsi constitués étaient destinés à l'hôtel du roi, aux services administratifs, aux négociations diplomatiques, aux guerres. Pour recevoir, pour payer et pour contrôler, il devint nécessaire de perfectionner l'administration des finances. La recette des deniers commença à se détacher des attributions, jusque-là presque universelles, des baillis. Les receveurs, dès le temps de Philippe le Bel, apparaissent de tous côtés. La trésorerie s'organise, bien qu'il y ait encore deux trésors, l'un au temple, l'autre au Louvre. Le contrôle se fixe. À des finances aussi compliquées, il fallait une vérification régulière, minutieuse, aux mains de spécialistes. La cour du roi n'y peut suffire. Les gens des comptes travaillent désormais à part, presque toujours au palais. En 1309, leur réunion est pour la première fois qualifiée de chambre. Par l'examen des comptes, la chambre pénètre dans les services administratifs et collabore aux ordonnances nouvelles. Sa situation à l'égard de son aîné, le Parlement, est mal définie, plutôt inférieure, ce qui déterminera dans un avenir prochain un interminable conflit. Ainsi, tout se fixe et s'arrête. On n'en peut trouver de meilleure preuve que la belle ordonnance réformatrice de mars 1303. Le premier de ces grands actes législatifs, où la royauté doit mettre l'idéal plus encore que la pratique réelle de son administration quotidienne. On y voit l'administration locale organisée partout, se spécialisant et se perfectionnant, gardée par les plus sages recommandations, inspirée du droit public romain, objet apparent de la sollicitude honnête et des scrupules de la royauté. Il faudrait placer en regard les enquêtes des enquesteurs royaux, avec leurs menus faits, leurs révélations douloureuses sur l'avidité, la violence, l'esprit d'accaparement et de chicane, la présomption juridique des agents royaux. Tout cela cependant a concouru au même résultat. Les organes nés et développés assuraient la vie. Les pratiques administratives, au nom du droit ou contre le droit, émiettaient et ruinaient sur le territoire la puissance féodale et ecclésiastique. Les ordonnances de réforme et les enquêtes, sans beaucoup changer les choses, donnaient l'espérance et faisaient illusion. La fin du règne. Ce règne si rempli devait se terminer dans de nouvelles difficultés. Elles vinrent de deux côtés, de la Flandre et des résistances féodales. En Flandre, le traité obtenu par Philippe le Bel du comte Robert de Béthune, au lieu de donner la paix, engendra la guerre. Ce fut un prétexte à intervention. En 1311, Enguerrand de Marigny, comme s'il était le roi lui-même, vint en majestueux cortège au pays de Flandre, appeler les communes à la rébellion, humilier publiquement le comte. Le fils même de Robert et ses enfants furent pris et mis dans les prisons royales. Il fallut céder. En juillet 1312, le vieux comte fut bien obligé de signer un douloureux traité qui confirmait les cessions provisoires déjà consenties. Nouveau traité, nouvelle lutte. Louis de Nevers, l'héritier du comté, gardé en prison, s'évade. Il est condamné par la cour du roi, déclaré déchu de ses droits. Il proteste. Le comte Robert refuse d'exécuter les conditions qui viennent d'être convenues. C'était la guerre, il fallait de l'argent. C'est alors que furent réunis les derniers états généraux du règne. Il en résulta une nouvelle taille, trop mâle et trop grevable. Avec l'argent des états, deux armées furent levées et dirigées sur la Flandre. Mais avant le premier combat, il y eut trêve, et le bruit se répandit que Marigny l'avait vendu pour beaucoup d'or. Tous ces faits jetaient dans le royaume une grande irritation, un malaise général. Le subside, la trêve, les monnaies fournirent à tous des prétextes pour s'agiter. En Champagne, en Picardie, en Normandie, nobles et gens de communes s'alliaient contre l'ennemi royal. Il fallut arrêter la perception du subside de Flandre. Philippe le Bel mourut le 29 novembre 1314, peut-être des suites d'un accident de chasse. S'il a régné et non gouverné, ses sujets firent néanmoins de ce roi l'auteur responsable des maux qu'ils avaient soufferts en son nom. Son fils et successeur eut la plus grande peine à « faire chanter pour le roi Philippe dans les églises du royaume ». Fin de la section 4.